Jean, mon grand-père, dans son grenier, te conservait précieusement comme un trésor, il t'oubliait. Posé par terre dans ton grenier, tu t'endormais. Puis doucement, quand Jean est mort, tu m'as parlé. Tu n'en sais rien, mais je suis là et je t'attends. En travaillant, oui, tu pourras me réveiller. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas, mais je t'attends. Si tu m'apprends, oui, ce sera toi l'héritier. Mon violon, mon amour, toi ma prison pour toujours. Mon violon, mon calvaire, le violon de mon grand-père. J'avais 4 ans et des poussières quand j'ai compris qu'il était temps de te sortir de ton étui. Bientôt 20 ans que mon grand-père était parti. Depuis longtemps tu ne faisais rire que les souris. Il a fallu que je bataille mes parents pour leur prouver que j'entendais plus que des voix. Il a fallu, oui, que je braille plus qu'un enfant. Mais j'ai gagné, on t'a trouvé grâce à papa. Mon violon, mon amour, toi ma prison pour toujours. Mon violon, mon calvaire, le violon de mon grand-père. Réclamer de la musique, de la gaieté, toute une vie dans un grenier empoussiéré. Tu en voulais du romantique, tu insistais. Toute ma vie, tu m'as poussé à essayer. Moi embourbé dans ma douleur d'adolescent, dans mes doigtés et dans mes gammes, tous ces faux sons, j'ai oublié cette lueur des enfants qui fait chanter toutes les âmes des violons. Violon, violon, violon de Jean, te satisfaire. Et déroutant et de t'aimer, je suis perdant. Violon, violon, violon de Jean, à quoi ça sert d'être vivant et d'espérer devenir grand? 20 ans d'amour et de souffrance, ça fait pleurer. Je suis petit, le tout petit, j'ai tout raté. 20 ans d'amour et d'espérance à étouffer. Oui, aujourd'hui, je ne m'en suis pas relevé. Mon violon, mon amour, toi ma prison pour toujours. Mon violon, mon calvaire, le violon de mon grand-père. Alors un jour je t'ai quitté, je t'ai laissé. Je t'ai remis dans ton étui me reposer. Je reste sourd jusqu'à ton rêve préféré. Même ton ami pourtant ami j'ai délaissé. Je n'en peux plus et puis tant pis si je trahis mon rêve qui n'était pour eux qu'un passe-temps. Je n'en peux plus, je suis assis et je souris. Pour ma survie, qu'importe ce qu'en pense Jean. Mon violon, mon amour, toi ma prison pour toujours. Mon violon, mon calvaire, le violon de mon grand-père. Mon violon, mon amour.